بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة القارعة. Aujourd'hui on verra donc l'exégèse de la sourate القارعة وهي سورة مكية. C'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. فالله تبارك وتعالى ندي أبخي لا بسملة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te fera savoir qu'est-ce que le fracas? فالقارعة أيها الإخوة اسم من أسماء يوم القيامة. Al-Qari'a, que j'ai traduit par le fracas, est un des noms du jour de la résurrection. Faqala ahlul ilmi summiyat kadhalika li'annaha taqra'u al-asma' wa tafza'u al-qulub. Et donc les savants, ils ont dit que ce jour a été appelé comme tel parce qu'il va fracasser l'ouïe des individus, des êtres humains, lorsqu'ils vont entendre le souffle dans la trompe. Ce souffle qui va les fracasser. Et aussi, qui va effrayer leur cœur. Ils seront tous effrayés en ce jour. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, « Wa yawma yunfakhu fi s-sur » فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Le jour où on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront alors effrayés, sauf ceux, exception faite de ceux, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura voulu, aura décidé. فَالنَّاسُ الْآنَ فِي أَمَانِ. Les gens aujourd'hui, ils sont en sécurité. لَا يُفَكِّرُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Ils ne pensent pas à ce jour. وَسَيَأْتِيهِمْ فَزَعْ. Et leur viendra un jour où ils seront effrayés. Une frayeur énorme. Une frayeur qui ne sera pas, qui n'aura pas connu de frayeur semblable auparavant. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit مَا الْقَارِعَةِ. Qu'est-ce que الْقَارِعَةِ? Qu'est-ce que le fracas? Et il nous dit cela tabaraka wa ta'ala pour nous montrer l'importance de ce jour et la gravité de ce jour, ce qui va se passer d'énorme. Et ensuite, il continue, tabaraka wa ta'ala, wa ma adraka ma al-qari'a. Qui te dira ce qu'est al-qari'a, ce qu'est le fracas? Encore une fois, pour montrer l'importance de ce jour. فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ هَذَا الْأُسْلُوبِ. Méditez, oh chers frères, cette façon dont Allah tabaraka wa ta'ala nous montre l'importance de ce jour. فَهَذَا الْيَوْمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُهِمْ ذَا شَأْنٌ عَالٍ إِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ce jour est un jour d'une grande importance pour Allah tabaraka wa ta'ala. لَكِنَ النَّاسِ مَنْ يَهْتَمُوا بِهِ. Cependant les gens, qui accordent de l'importance à ce jour? Les gens aujourd'hui sont distraits, la dunya, voilà ce qui nous importe. يَسْمَعُونَ هَذِهِ الْآيَاتِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى بُيُوتِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا شَيْئًا. Les gens, ils entendent ces versets, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ensuite, ils retournent chez eux dans leur demeure, comme s'ils n'ont rien entendu. يَرْجِعُونَ إِلَى عَادَاتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ. Ils retournent donc à leurs habitudes, à la dunya, les péchés, comme s'ils n'ont rien entendu. Comme si ce jour n'était pas d'une grande importance. Contrairement à ce qu'on a, par exemple, lorsque les savants nous citent les exemples des examens. Lorsque les gens ils ont des examens, ici-bas, des examens pour la dunya, le bac, ça commence avec le bac, le jour du bac, tous les journaux parlent de ce jour. Tous les gens, les enfants, ils sont stressés, les jeunes. Le bac. Ensuite, on n'a plus le niveau supérieur. Les examens, les gens sont stressés. Taïb, est-ce que tu es prêt pour ce jour terrible, cet examen final? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce jour aussi, il te stresse? Est-ce que tu pleures en pensant à ce jour, de la même façon que tu pleures pour tes examens? Non, je suis pas prêt, j'ai pas assez révisé. Et donc, nous devons nous rendre compte, ô chers frères, que ce jour est un jour d'une grande importance. Et si tu vois que dans ton cœur, ce jour n'a pas autant d'importance que cela, fa'alij hadha al-ishkal. Alors tu dois soigner ce problème, tu dois le régler. En lisant plus le Coran, en méditant encore plus sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah il nous décrit ce jour, il nous dit يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés et que les montagnes seront comme de la laine étalée. فَهَذَا الْيَوْمِ يَوْمٌ عَظِيمٌ. Donc ce jour, c'est un jour terrible, comme on l'a dit précédemment. وعندنا فراش الليل وفراش النهار. Nous avons les papillons de jour et les papillons de nuit. C'est pas les mêmes. ولكن كل من الجنسين يجتمعان في وصف واحد وهو التزاحم والتراكم. Et donc les deux types de papillons, les deux genres sont tous unis sur une même description, qui est le fait que ils sont entalés les uns sur les autres, etc. Ils se déplacent comme ça en groupe. Walakin farashul nahar ashad. Afwan, farashul layl ashad. Cependant, les papillons de nuit sont pires. Pourquoi? Li'annahum idha ra'aw naran ijtama'at hawla hadhihi an-nar. Car lorsque ces papillons voient un feu, ils se réunissent autour de ce feu. Les papillons du jour, ils ont le soleil, khalas. Certains chercheurs disent que les papillons du jour tirent leur énergie du soleil, etc. Les papillons de nuit, non, ils ont besoin d'une lumière pour fabriquer cette énergie. Et donc, dès qu'ils voient cette lumière, ils s'en approchent. Taïb, lorsque c'est du feu, fayaqtaribun min hadhihi an-nar. Ils se rapprochent de ce feu, ces papillons. Et il se peut que ces papillons tombent dans le feu. Et comme tel sera l'être humain au jour de la résurrection. Tous, ils sortiront de leur tombe. Comme un seul homme, ils sortiront en même temps de leur tombe. Ils seront effrayés. Ne sauront pas où ils vont. Perdus, totalement perdus. À cause de la crainte de ce qu'il y aura en ce jour terrible. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, qui nous décrit donc ce jour, les montagnes qui seront comme de la laine étalée. هذه الجبال الراسخة ونرى صلبتها. Et donc ces montagnes qui sont fermes, et certes on voit leur caractère solide, on le voit tous les jours, tu passes près des montagnes, tu vois leur hauteur, etc. Taïm, al muslim ayyuha al-ikhwa yata'ammal fi hadha al-amr. Anna hadhihi al-jibal fi hadhihi al-hal satakun kal-ihn al-manfush kas-suf. Et donc ces montagnes aussi dures et fermes, hautes, seront comme de la laine. طيب فلو كان هذا هو حال الجبال فماذا نقول فينا نحن الضعاف. Et donc si cela c'est la situation des montagnes, alors que devons-nous dire de nous-mêmes avec toutes nos faiblesses? L'être humain est fragile. Et donc le musulman doit méditer sur cela. Lorsqu'il voit des montagnes, il pense à cela, à ce jour terrible. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, après nous avoir cité cette situation générale, faqasama al-khalq أو قسم الإنسان إلى قسمين. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, donc il divise les êtres humains en deux groupes. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. En ce qui concerne celui dont sa balance sera lourde, alors il sera dans une vie paisible et agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Et celui dont sa balance sera légère, فَأُمُّهُ هَوِيَةٍ. On verra la traduction, inshallah ta'ala, l'explication, ummuhu hawiya, parmi les traductions qu'on peut avoir, par exemple, alors il sera jeté la tête en avant dans un abîme profond, ou alors son refuge sera un abîme profond. فالقسم الأول أيها الإخوة فهو يختص بمن ثقلت موازينه. Et donc le premier groupe, en ce jour, le jour de la résurrection, c'est le groupe qui concerne ceux dont leur balance sera lourde. Ay kanat hasanatuhum akthar min sayyi'atihim. Les balances lourdes, c'est-à-dire que les bonnes actions sont plus nombreuses, sont plus lourdes que les mauvaises. Wa fi hadha ishara li anna al-ulama yadhkuruna hadha. Les savants, ils nous disent cela ici dans cette tafsir. Ils nous disent la balance lourde, c'est celui dont ses bonnes actions sont supérieures aux mauvaises. Taïb, qu'est-ce qu'on comprend ? Que les gens tous ils pêchent, tous sont des pécheurs. Idan anta ya ayyuha al-akh al-karim. Lorsque tu vois que tu es tombé dans un péché, ne faiblis pas. Relève-toi. Tu es encore vivant, tu peux encore profiter. Prends des hasanettes. Prends des hasanettes. Continue à faire du bien. وقد رأينا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى سهل لنا الأمور. On a vu pendant ce mois, le mois de Ramadan, que Allah تبارك وتعالى il nous a facilité toutes choses. يسر لنا الحصول على الحسنات الكثيرة. Il nous a facilité afin qu'on puisse avoir beaucoup de récompenses. On l'a vu dans les cours concernant Ramadan. فَانْتَهِزْ هَذِي الْفُرْصَ. Alors saisis cette occasion. Tu en auras besoin en ce jour-là. Tu en auras besoin en ce jour-là d'avoir une balance lourde de bonnes actions. Afin que tu ne dises pas, ah si seulement j'avais pas dormi tel jour au lieu de chercher Laylatul Qadr. Si seulement j'avais pas dormi tel et tel jour. Si seulement j'avais fait Qiyam al-Layl. Si seulement j'étais resté avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse. Profite. Tu peux avoir de bonnes actions. Beaucoup. Facilement. Si seulement j'avais lu le Coran, chaque lettre, 10 hasanats. Tu en auras besoin, Yawm al-Qiyam. Afin que ta balance soit lourde. Saisis l'occasion. Ne laisse pas ces jours passer. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Et donc celui dont sa balance est lourde, il sera dans une vie paisible et agréable. الْجَنَّةِ, le paradis. Il n'y aura rien qui le dérange. فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا. Il ne voudra pas sortir de cette place qu'il aura. وَلَا يُخْرَجُ مِنْهَا. Et on ne le fera pas sortir. Une vie paisible. وَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ مَنْ يريد من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. Qui veut qu'Allah تبارك وتعالى soit satisfait de lui? Qui veut qu'Allah تبارك وتعالى l'agrée? من يريد معيشة راضية. Qui veut une vie agréable? Tu veux qu'Allah t'agrée? Tu veux une vie agréable? فرضى بشرع الله تبارك وتعالى وارضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. Alors tu dois agréer, tu dois accepter la législation d'Allah تبارك وتعالى, accepter ses ordres et ses interdits. Tu dois accepter le destin qu'Allah تبارك وتعالى t'a accordé, les épreuves. Nous sommes tous éprouvés. Tu dois accepter tes épreuves. Certains veulent une vie paisible et agréable, Jannah. Mais eux ne sont pas satisfaits de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est grave. C'est grave. Tu dois être satisfait, te soumettre. Tu dois te soumettre à cette législation. La législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soumets-toi. En ce qui concerne ceux dont leurs balances sont légères, ce sont ceux donc dont les mauvaises actions sont plus lourdes, sont plus nombreuses que les bonnes actions. Et aussi, les savants, ils ont dit aussi, les kuffars. Les koufars, ceux qui n'ont pas de bonnes actions. Ils n'ont pas de bonnes actions. Taïb, aïe wal akhi, rajoul kafir. Kafir. Kod yatasaddaq. Un incroyant, il se peut qu'il donne de l'argent en aumône. Il y en a un, il est venu une fois à la mosquée donner de l'argent en aumône, à la mosquée. Il m'a dit, je ne suis pas musulman, moi. Je ne suis pas musulman. Mais je suis venu donner de l'argent en aumône à la mosquée. Il a sorti ses billets, il a déposé les billets, il est parti. Alors je lui ai dit, oui, mais on peut s'asseoir et discuter. Non, je vais juste donner l'argent en aumône et je pars. C'est pas une bonne action, ça, les frères? Et donc lui, yom le qiyama, yarhamukumullah, s'il ne se convertit pas à l'islam, ou quelqu'un dans cette même situation, est-ce qu'on va dire que Yawm al-Qiyamah n'a pas de hasanat? Hein? Si? Si, non? Hasanat, il le donne dans son bâme. Aïwa. On avait vu le hadith dans Sahih Muslim. Anna al-kafir, idha amila hasanatan, ut'ima biha tu'matan fid dunya. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'incroyant, lorsqu'il accomplit une bonne action, alors il est nourri par cette bonne action, lui est accordé un repas ici-bas. Une nourriture ici-bas. Il est récompensé par sa bonne action. Ici-bas. Afin qu'il n'ait rien du tout lorsqu'il va réveiller le Qiyam. En ce qui concerne le croyant, lui, yuddakhar lahu amalu. Alors, en ce qui concerne le croyant, ses œuvres, ses bonnes actions lui sont gardées de côté. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a favorisé le croyant à l'incroyant. Ils ne sont pas semblables. Et donc, celui dont la balance sera légère, c'est celui donc qui... Donc, il y a l'incroyant et il y a aussi le musulman zalim. Le musulman qui se fait injustice à lui-même. Et dont ses péchés sont supérieurs à ses bonnes actions. Et donc celui qui est dans cette situation, Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَأُمُّهُ هَاوِيَا فَأُمُّهُ هَاوِيَا. Et donc, هَاوِيَا, un abîme profond. Donc déjà, l'enfer, c'est un abîme. La ya'rifu qa'raha illa Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne connaît la profondeur de l'enfer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cet individu sera jeté dans l'enfer. En ce qui concerne le terme ummuhu, certains savants nous disent ay ummurasihi. C'est-à-dire sa tête, il sera jeté la tête en avant dans l'enfer. Et d'autres qui nous disent là, « El-Oum, Aï El-Ma'wa », c'est-à-dire le refuge, sa destination. Sa destination sera l'enfer. Et donc, dans tous les deux cas, les savants nous disent, il n'y a pas de contradiction ici. Son refuge, sa destination est qu'il sera jeté dans l'enfer la tête en avant. La tête en avant. Alors profitons dès maintenant, ô chers frères. Profitons Il y a des hasanats à gagner. Pendant les nuits, ne te dis pas, je suis fatigué, mais Inch'Allah, demain. Taswif à chaque fois. Inch'Allah, demain. Demain, ouais, cette nuit, je suis fatigué, mais Inch'Allah, demain, je suis là. Demain, je suis là, Inch'Allah. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Ramadan y passe. L'année d'après, on tombe dans le même piège. Profite maintenant pour prendre les hasanats. Pendant que tu es encore vivant, Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis d'être vivant pendant ce mois béni. Profite et ne le laisse pas passer comme cela. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Et qui te dira qu'est-ce que c'est? Donc que l'enfer. هذه الهاوية. Et donc cet abîme profond. نَارٌ حَامِيَةٌ. Un feu ardent. Un feu ardent. Que l'être humain n'a pas connu, fit dunya. Voilà pourquoi, oh chers frères, nous devons nous efforcer, demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. Et en plus de demander, nous devons agir. Agir, nous éloigner des péchés et faire le maximum de bonnes actions que nous pouvons avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà pour le tafsir de cette sourate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.